quelqu'un dans ma maison. Le coq me réveille trop tôt. J'ai oublié d'enfoncer mes bouchons de cire dans mes oreilles. Qu'importe. Un grand soleil a percé des trous dans mes volets de bois pour projeter ses traits lumineux dans la chambre. Entre mon pouce et mon index, je m'amuse à en pincer quelques-uns, puis je m'étire au son des cordes de lumière qui sonnent. Comme à son habitude, mon corps vient aussitôt me donner des nouvelles, me signifiant aujourd'hui que j'ai toujours la jambe cassée. Me levant sur mes béquilles, le regard en bataille et la tignasse à l'unisson, je bâille bruyamment. Je me fige dans cette ouverture buccale béante, ouvrant un œil avec surprise. Une odeur de pain grillé, une salivation de cafetière. Lila. Tsunami dans ma poitrine, plan vigipirate sur l'ensemble du territoire des organes, alerte rouge suite à un fort phénomène anxieux. Avant de sortir de la chambre, tout en essayant de faire chuter mon rythme cardiaque à des valeurs acceptables par la médecine, je procède à une inspection sévère. Je mets en premier lieu un soupçon d'ordre dans mes cheveux. Ils paraissent avoir lutté toute la nuit. Je tire un peu sur mon visage pour le défroisser, me dégourdis la bouche. Je suce même par coquetterie un petit bonbon à la menthe qui traîne sur ma table de nuit. Mon pyjama à rayures me semble correct, un peu vieillot peut-être. Mes chaussons, eux, sont à l'agonie. Ils semblent me supplier de les laisser prendre un repos éternel bien mérité. Il est de toute évidence trop tard pour mourir dans la dignité, paraissent-ils se plaindre. Je les observe avec compassion, tête pendante et solidaire, mais comme je déteste avoir froid aux pieds, je reste sourd à leurs supplications. Récapitulons. Quelqu'un a dormi chez moi cette nuit, pour la première fois. Mais que pouvais-je faire? Je n'allais pas secouer Lila en hurlant « Allez, oust, vous m'avez ramené, c'est bien, mais maintenant vous partez. Vous dormirez chez vous. Je n'accepte personne chez moi, vous m'entendez? Personne !» Il ne faut pas confondre amour profond de la solitude et incorrection. Je prends une belle inspiration mentholée avant de pousser la porte. J'essaie de reproduire la tête de l'homme habitué à recevoir du monde, tentant d'adopter un air détaché, petit sourire en coin, et je crois que mon entreprise aboutit à quelque chose de bizarre. Somme d'hésitation faciale mélangée en un patchwork douteux. Conscient du fait, je reprends le visage de Miloche, le seul que je sois capable de me composer à peu près pour tout dire. Quand j'arrive dans la cuisine, je trouve deux bols sur la table, quelques volutes de café brûlant en arrière-plan, mais pas de lilas. Après quelques tours de béquille sur moi-même, je l'aperçois sous le figuier. Je sors. « Bonjour Lila. »« Oh ! Bonjour Miloche !» me dit-elle en sourire. « Tu ne m'en veux pas, j'espère. Je suis en train d'écrire quelques mots sur les grandes feuilles de ton figuier. C'est très confortable, très large une feuille de figuier. En plus, j'adore le bruit du stylo sur la surface rugueuse. » « Ah, je n'ai jamais essayé. Continuez donc, je vais boire le café. Attends-moi, j'ai fini. » Lila rebouche son stylo, cueille une poignée de figues mûres à point avant de me rejoindre. « C'est joli chez toi. Tu me feras visiter ?»« Oui, bien sûr. Vous avez bien dormi ?»« Comme une masse. Le coq des voisins m'a réveillé un peu tôt, peut-être. En plus, il a insisté, le cochon. Alors j'ai fait ce qu'il voulait, après avoir rêvé de l'étrangler. » C'est Gérardo, c'est mon coq, à moi, ou plutôt celui de mes poules. Je vous le présenterai tout à l'heure. » D'accord, je lui dirai deux mots. Nous passons tous les deux à table. La pièce est baignée de soleil. La fraîcheur de lilas fait pâlir de jalousie la rosée matinale qui s'évapore en râlant. Elle s'agite, parle beaucoup, mange sans s'arrêter, tandis que je cherche toute l'énergie qui est en moi et ailleurs pour me réveiller et tenter de donner le change. En attendant, je suis au spectacle. « Tu manges pas, Little Nemo ? Pourquoi vous m'appelez comme ça ? Avec ton pyjama, tes cheveux en pétard, tu me fais penser à la bande dessinée. Tu sais, ce garçon qui arrête pas de rêver. » Ah ? Lila, tout en mangeant, balaye la pièce du regard. « T'as l'air spartiate chez toi. » « Merci. C'est que je n'aime pas trop m'encombrer. » L'abondance d'objets me perturbe, c'est ça. J'ai besoin d'avoir une maison vide pour pouvoir réfléchir. » Réfléchir à quoi ? Réfléchir, tout court. Ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, on peut pas dire que tu sois porté sur la déco. À part les marbres, bien sûr. Donc, Toutes les sculptures qui sont là, c'est toi qui les as faites. Oui, j'en ai encore quelques-unes dans l'atelier. C'est joli, j'aime bien. Lila jette un coup d'œil sinusoïdal sur les sculptures posées sur les meubles, dans les étagères, à terre. Elle conclut son observation attentive par « Impressionnant. Et tu n'as jamais fait une forme qui ressemble à... te vexe pas, hein? Qui ressemble à quelque chose? Vous savez, ces marbres ressemblent beaucoup à ce que j'ai dans la tête. On appelle ça de la taille directe, c'est-à-dire que je pars à l'aventure dans mon bloc avec un embryon d'idées sans esquisse préalable. Il se trouve que le bébé se développe toujours plus ou moins de la même façon. Et puis, je ne me pose pas trop de questions là-dessus. Ça sort comme ça. Non, t'as raison. Je disais ça comme ça. Mais je trouve ça très beau. Ça te ressemble. Ah bon? Merci. Bon, tu me fais visiter? Me lance Lila en se levant. J'ai bu à peine deux gorgées de café. Je n'ai encore rien mangé pendant que mon invité a englouti, bu et parlé comme quatre. Le temps a quelque chose d'injuste. N'ayant jamais fait visiter ma maison qu'à l'Olek et Danka, il y a déjà plusieurs années, j'ignore le mode opératoire. Je commence par l'intérieur en détaillant toutes les pièces. Lila s'étonne de trouver une deuxième chambre, me demande si je reçois parfois du monde. Je réponds un peu à côté car je voudrais qu'elle croie à la possibilité de l'existence d'une certaine vie sociale chez moi. La solitude, ça effraie les gens. Ils ont l'impression que vous avez quelque chose à cacher, une perversion abominable, un narcissisme exacerbé qui exclurait la présence médiocre, par définition, de l'autre, ou encore une tare inavouable. D'habitude, ce regard posé sur ma personne m'arrange plus qu'autre chose, mais pas là. Puis je l'emmène dans l'atelier. Elle est impressionnée par la quantité de sculptures disposées sur les étagères. C'est super, Miloche! T'en as fait des centaines! Je n'ai jamais compté. J'en ai fait d'autres que vous avez vues chez Aimé. J'en ai aussi chez des amis et... Je ne veux pas lui dire que j'en ai aussi dans la terre sous mes courgettes. Pour qui me prendrait-elle? Je rajoute donc. Et c'est tout. Tu leur as toutes donné un nom? Non, à aucune. Il n'y a pas de raison pour le faire, alors je ne l'ai pas fait, je ne veux pas m'encombrer l'esprit pour rien. Je les appelle toutes des formes. Moi, je persiste à dire qu'on dirait des nuages. Ils viennent d'où ces marbres? De la carrière, pas très loin de la colline du chat. Il y a des marbres verts, des rouges, des gris, des oranges, et encore d'autres couleurs. T'as aucun marbre tout noir ou tout blanc? Il n'y en a pas à la carrière. Tu veux pas aller en visiter une autre? Impossible. En vélo, c'est trop loin pour faire le chemin avec les blocs. Tu sais qu'il existe depuis une centaine d'années des voitures automobiles? Automobiles. Appareils qui se meuvent d'eux-mêmes. Tu mets de l'essence, tu appuies sur l'accélérateur et... Ne vous moquez pas, Lila. Je n'ai pas le permis. Moi non plus, tu le sais, je te charrie. Tu connais personne qui a une voiture? Si, mais je ne veux pas embêter les gens. Ouais, ok. Je peux toucher tes sculptures? Ah oui, avec plaisir, allez-y. Miloche, je peux te demander un truc. Mais je vous en prie, Lila. Tu peux me tutoyer, s'il te plaît? J'ai l'impression d'être une grand-mère. Oui, si vous voulez, je vais essayer. Sur ces entrefaites, Lila se met à toucher les marbres. Je ne saurais dire l'effet que ça me produit. Si une sculpture s'apprécie avec les yeux, elle révèle toutes ses qualités, tous ses défauts aussi. Lors de la caresse, Lila l'a compris d'instinct. J'apprécie beaucoup quand on regarde mon travail sans faire semblant. En plus, j'ai l'impression qu'il prend une importance nouvelle sous la caresse de ses doigts. Je me pose une question, lui dis-je. C'est un véritable dilemme pour moi. Quand je touche un marbre juste avant l'étape de polissage, il est doux, presque soyeux. Il communique beaucoup de chaleur à la main. Cependant, la couleur n'est pas entièrement révélée, elle est encore à l'intérieur. Le polissage lui donne sa belle teinte, il exalte la luminosité. Mais après cette étape, la main passe moins naturellement sur le marbre. Elle fait comme un effet ventouse. Le toucher est comme interrompu, comme syncopé à chaque caresse par la surface lisse qui retient les doigts avant de les lâcher d'un coup. Je n'ai pas encore réussi à concilier les deux. Et je me pose la question à chaque fois pour chaque nouvelle forme. Dois-je faire plaisir aux yeux ou à la main? C'est normal que je comprenne pas ce que tu me dis. Il faut toucher pour comprendre. Tenez, Cette forme-là et celle-là là-bas, par exemple. Lila caresse, regarde, fait l'aller-retour entre les deux sculptures, un petit marbre gris pas tout à fait poli et un rouge, brillant comme une carrosserie neuve. T'as raison, me dit-elle. T'as raison, je saisis mieux. Il est très doux, ce marbre gris, comme si on l'avait passé au talc. Tu sais à quoi il me fait penser ? À des fesses de bébé. Et c'est vrai que le rouge tout poli, il en jette. Mais il perd beaucoup de son charme dès qu'on le caresse. Un bling-bling, quoi. Moi, je préfère les discrets, ceux qui n'ont pas l'air. Alors, personnellement, j'aurais une préférence pour le non-poli, le gris, là. Lila, m'ayant fait part de sa réflexion, change d'idée, tournant sur elle-même. Il est beau, ton atelier. Bon, quelque chose me dit qu'il va prendre un peu la poussière ces prochaines semaines. Et pas celle du marbre. J'espère bien que non. J'ai dessiné des plans. Je vais me fabriquer une chaise haute pour pouvoir travailler assis à hauteur du bloc, et même un palan pour porter les pierres. Tu vas vraiment t'embêter à faire ça ? Là-dessus, je vois Lila se saisir du bloc de marbre rouge que j'ai à peine dégrossi, et le soulever à bras le corps. « Attention, lui dis-je, c'est très lourd. Ça peut faire très mal au dos. »« Hé, Mimi, tu me prends pour une fillette ou quoi ? Je suis pas en sucre. J'ai été élevé à la campagne. » Bon, je sais que j'ai pas le physique de la campagnarde de type, mais je cache bien mon jeu. » Elle repose lourdement le marbre sur l'établi et poursuit en s'époussetant. « Va pas perdre de temps à te fabriquer des machines à la Léonard. Quand t'as besoin, je passe chez toi, je transporte ton bout de marbre, tu m'offres un café, on discute un peu et je m'en vais. La chaise haute, je t'aiderai à la fabriquer si tu veux. J'aime bien travailler le bois. » « Je ne sais pas quoi dire, lui dis-je, ne sachant pas quoi dire. » Bon, ben c'est d'accord alors. Tu me fais voir le reste ? J'adore visiter les maisons. Oui, bien sûr. Je change juste de monture, c'est fatigant les béquilles, dis-je en prenant place dans mon fauteuil. J'ai appris dans mes livres que les femmes aiment parcourir les intérieurs. Cela se confirme. Peut-être une sorte de gêne en plus donnée à la naissance. Me reviennent alors en tête des images de la première et dernière fois que j'ai fait une visite guidée des lieux que j'habite. Lolek, les mains dans le dos, avait eu l'air de subir un peu la chose. Posant les yeux un peu partout car il fallait bien, tournant la tête à la manière de mes poules, il tapait nerveusement du pied sans s'en apercevoir, trahissant son ennui. Danka, elle, avait tout observé avec curiosité et attention, m'avait posé des questions, fait des commentaires et manifesté beaucoup d'intérêt. Comme Lila. Pour l'instant, je n'ai donc pas d'exception à la règle. Il faut que je pense à consigner cette observation dans mon cahier. Le seul moment où Lolek avait écarquillé les yeux, ça avait été en rentrant dans mon hangar à vélo. Je constate la même réaction chez Lila après que j'ai ouvert la porte coulissante en métal et fait la lumière à l'intérieur. « Mais t'es vraiment malade, Miloche. C'est génial. C'est ça ton secret. Tu vends des vélos au noir ?»« Ah non, pas question. Ni au noir, ni à personne. Ce sont mes vélos à moi. » « Eh mais t'es encore plus givré que ce que je pensais. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. T'es un véritable cycloartiste, Mimi. » Lila se balade entre mes vélos, caressant le cuir des selles, tâtant les pneus, effleurant du doigt les vieux cadres, promenant la main sur le plastique des poignets, faisant teinter les différentes sonnettes. Puis, je vois une lumière de plus scintiller dans ses yeux. Elle teste encore le son de quelques carillons, l'esprit en point d'interrogation, puis se met à sauter de vélo en vélo en actionnant chaque timbre tour à tour. Et la mélodie fut. Lila est en train de composer une musiquette à partir des klaxons de mes vélos. Elle bouge son corps, place des silences, tape du pied, teinte, teinte. Le hangar s'emplit de cette musique avant de résonner du joli rire clair de Lila. Moi, je ris avec elle, transporté. T'as vu ça, Miloche ? Et attention, j'improvise, me dit-elle en imitant Aimé. C'est très beau, Lila, ce que vous jouez. Merci. Comment on pourrait l'appeler, ma musique ? Je ne sais pas, moi. On pourrait l'appeler symphonie cyclique ? Ou non, attendez, encore mieux, 5e symphonie cyclique. Pas mal, c'est un peu court peut-être. On pourrait rajouter Köchel 532. Ça fait sérieux, ça. 5e symphonie cyclique, Köchel 532. À note majeure ? Ah oui, c'est bon ça ! 5e symphonie cyclique, Köchel 532, à note majeure. Breveté, copyright et tout le tremblement ! Bravo, bravo, lui dis-je à l'italienne. Tu sais combien t'en as ? Bifurque Lila. Deux. Bah, des vélos. Tu les as déjà comptés ? Bien sûr, j'en ai 84. Pas un de plus, pas un de moins. Ah bon ? Il y a une raison ? Oui ? C'est parce que je vais vivre jusqu'à 84 ans. Ah d'accord. No comment. On continue ? Emprisonnant les dernières notes de musique égarées entre les murs, je ferme la porte du hangar qui gêne un peu de dépit avant de conduire Lila vers le jardin. Et maintenant, le potager. Il est beau ton jardin. Je me suis permis de le visiter tout à l'heure pendant que tu étais dans les bras de Morphée. Dis-moi, qui c'est qui a saccagé ce coin-là ? Un sanglier ? Ce n'est que moi, hier. J'ai fait ma première expérience de ramassage de légumes en fauteuil roulant en pleine nuit. J'ai besoin de me perfectionner. Peut-être en béquille, ce serait plus commode. Il faut voir. Ouais, je crois que t'es dans la période d'adaptation, répond-elle en mettant un peu d'ordre dans les sillons à l'aide de la bêche posée là. Attention, c'est très salissant la terre. Je le sais que c'est salissant. Je te dis que j'ai été élevé à la campagne. J'adore faire le jardin. Par contre, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. T'as de superbes courgettes hors saison, t'as fait quoi ? Des croisements, des sortes d'OGM super perfectionnés ? Non, non, pas du tout, c'est comme ça. Ah, ok. T'as une sorte de jardin extraordinaire, quoi. T'as des canards qui parlent anglais aussi ? Non. En revanche, j'ai des poules. On va les voir ? Avec plaisir. J'en profiterai pour étrangler le coq tant que j'y suis. Nous contournons la maison pour pénétrer dans l'enclos. J'ai peur pour Gérardo. Je vous présente Roberta, Barbara, Priscilla, Christina et Florinda. Enchantée les poulettes, moi c'est Lila. Dis donc, tu leur as fait un enclos de toute beauté. Oui, je veux qu'elles soient bien chez moi. Ça vous dérangerait de regarder si elles ont pondu ? Je suppose que tu dois aussi savoir faire ça. Bien sûr, je sais tout faire, Miloche. Mais fais attention, tu vas plus pouvoir te passer de moi. Au fait, je dois te féliciter. Pourquoi ? Tu m'as tutoyé, Miloche. Tu m'as dit tu. Quel progrès ! Sans transition, Lila soulève en experte chacune de mes poules pour récolter leurs œufs. Il y a tellement longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai l'impression d'avoir 10 ans, me confie-t-elle en posant sa collecte sur mes genoux. Ça te dérange si je nettoie un peu ? Les poules adorent la propreté. Et sans vouloir te vexer, c'est pas Jojo ici. Comme à son habitude, Lila opère sans attendre, me demandant de ne pas rester dans ses jambes. Il paraît que je suis un peu encombrant avec mon fauteuil. Je m'exécute, amusé de son ton, et je la regarde s'agiter. Quand elle sort du poulailler dégoulinante de sueur, elle s'éponge du poignet une mèche collée sur son front. « Je peux me laver les mains ?» Dans la maison, Lila se débarbouille visage, bras et mains. Elle soupire gaiement. « T'as fait du bien de se dépenser un peu. Merci, Lila. » Nous nous regardons en silence, guère plus d'une seconde. Elle n'aime pas le vide. Et comme je n'ai rien sous la langue pour le combler, elle s'en charge. « Bon, je te laisse, Miloche. Si t'as besoin, tu m'appelles. »« Comment ?»« Bah, tu me... Tu as le téléphone, quand même. »« Non. »« Tu sais te servir d'une cabine téléphonique ?»« Je n'aime pas trop. » T'as des pigeons ? Un arc avec des flèches auquel t'accroches des messages ? Sinon, tu m'envoies une lettre. À peine une semaine plus tard, je suis chez toi. Bon, ton potager sera pourri, tes poules mortes, et toi, tu seras écrasé par un bloc de marbre. Mais c'est du détail, ça. Bon, je passerai un de ces jours, ok ? D'accord. Là-dessus, Lila me pose un baiser sur la joue, me souhaitant une bonne journée. Déjà perchée sur son vélo, elle me salue d'une main tandis que l'autre fait tinter sa sonnette. J'ai la chance, moi aussi, de posséder mes deux mains. Et si l'une répond un au revoir que Lila ne voit pas, l'autre est posée en dessous de mon œil gauche, près de l'oreille, emprisonnant son baiser contre ma joue, lui donnant de l'écho. Je ne sais pas de quoi j'ai l'air, mais qu'est-ce que c'est bon !